France Inter, franceinter.com. Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 112. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et a priori, nous serions, selon le grégorien, le dimanche 16 mars 2008, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es 6 pieds sous terre et dévoré par les vers. Tu es Anubis en Égypte ou Hadès chez les Grecs. Tu es veuve joyeuse, tu es croque-mort, tu es jugement dernier et tu es aussi... Elle a l'air si paisible. Vous avez fait du beau travail. Maintenant, elle est en paix, en effet. Si jamais il y a une justice dans cet univers, elle charrie de la merde en enfer. Oui, tu l'as bien saisi, l'ami. Même si tu préfères le vin d'ici à l'au-delà, ce matin, tu es vie après la mort. Alors, pourquoi choisir un tel sujet ce dimanche 16 mars ? Eh bien, tout simplement parce que c'est une évidence. Mercredi, notre dernier poilu a disparu. La semaine prochaine, les chrétiens commémoreront l'accident du travail de Jésus. Et aujourd'hui, c'est la journée des urnes, funéraire pour certains, oui, la faucheuse rôde. C'est pourquoi la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de consacrer une émission à ce moment auquel nous sommes tous condamnés, le trépas. Et pour commencer notre décryptage du dernier voyage, de la pinte aux demi-pressions, nous reviendrons sur ce que fut la mise en bière à travers les âges. Ensuite, durant quelques minutes, nous découvrirons que si l'idée de la mort est évidemment effrayante, en réalité, il n'est pas si terrible de quitter la vie. Et dans la foulée, par l'intermédiaire d'Élie et Dieudonné, nous constaterons que la mort est peut-être parfois plus difficile à supporter pour ceux qui restent. Et puis, si le trépas est une certitude pour nous tous, il existe tout de même une petite exception, puisque Jésus de Nazareth a eu le droit à une seconde chance, lui, et la panique au Mangin Palace va te révéler ce matin les véritables raisons de son retour sur Terre. Et enfin, nous retrouverons Monique et Jean-Claude à Grosboule-les-Bains, en plein deuil, puisque l'irremplaçable Jojo les a quittés cette semaine. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et bouffe les pissenlits par la racine. Creeping up behind. You're out of time. I got thriller. C'est l'immortel triomphe de Michael Jackson, mais c'est aussi ce que dit l'archange Michel à son pote Saint-Pierre quand ils reçoivent au ciel de nouveaux clients. Thriller Zam pendant que j'actionne la balance. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace a donc eu l'idée saugrenue de s'intéresser à cette véritable terreur armée de sa funèbre faux, à savoir la mort, bien sûr. Un mystérieux personnage que l'on souhaite voir venir par le chemin le plus long. S'il faut aller au cimetière, je prendrai le chemin le plus long. Je ferai la tombe buissonnière, je quitterai la vie à reculons. Tant pis si les croque-morts me grondent, tant pis s'ils me croient fou allié. Je veux partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers. Partir pour l'autre monde par le chemin des écoliers, soit. Mais nous l'avons douloureusement vu cette semaine avec Chantal Sébir, cette femme qui souffre le martyre à cause d'une tumeur lui déformant le visage. Parfois, prendre un raccourci peut soulager. Aujourd'hui, la mort est omniprésente dans les actualités et dans les fictions, puisque de Bagdad à Hollywood, il existe un commerce florissant autour de la mort. Mais paradoxalement, la mort de proximité, celle que l'on peut réellement rencontrer, est aujourd'hui complètement cachée, voire rejetée. Pourtant, ça n'a pas toujours été ainsi. Pendant longtemps, on a fait de la mort un spectacle dans l'arène ou pour les exécutions publiques. Balade des pendus, François Villon. Frères humains qui, après nous, vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car si pitié de nous, pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez si attachés, 5, 6. Quant à la chair que trop avons nourrie, elle est piéça, dévorée et pourrie. Et nous, les os, devenons cendre et poudre. La pluie nous a débués et lavés, et le soleil desséché et noirci. Pis, corbeaux nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et les sourcils. Jamais, nul temps, nous ne sommes assis. Puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nous charrie. Plus becquetés d'oiseaux que des accoudres. Ainsi, la mort a été longtemps acceptée, voire apprivoisée, selon l'expression de Philippe Ariès. D'ailleurs, Montaigne, maire de Bordeaux, élu en 1581 dès le premier tour grâce à une alliance électorale avec le Modem et les Verts, disait qu'il est folie de ne pas y penser tant la probabilité de mourir est grande. En gros, pendant longtemps, la seule véritable peur face à la mort était d'être enterré vivant. Ne m'enterrez pas encore. Je ne suis pas mort, je dors. Et n'encombrez pas ma mémoire de vos regrets, de vos histoires. Je dors. Oui, bon, c'est certain que transformer un petit somme en repos éternel est assez funeste. La peur de la mort se développe surtout au XIXe siècle où, sous l'effet du romantisme galopant, elle devient une rupture définitive qui terrifie tout le monde en Occident. Oui, un seul être vous manque et tout est peuplié. Excepté bien sûr pour les nécrophiles, vilains pervers. Verticalement, tu n'es pas une affaire, je sais bien. Mais horizontalement, c'est toi que je préfère et de loin. Mais horizontalement, c'est toi que je préfère et de loin. Alors aujourd'hui, ce que l'on préfère et de loin, c'est de ne plus voir le corps mort et la fin de la vie se passe le plus souvent dans le cadre aseptisé de l'hôpital. D'ailleurs, remarque au passage que l'endroit le plus dangereux sur Terre, c'est tout simplement le lit qui fait bien plus de victimes que les bagnoles. Parce qu'il y a le topos classique du mourant qui dans son lit voit un grand tunnel avec une lumière blanche à l'autre bout. Encore que cette histoire de tunnel, ça peut aussi arriver en voiture. comme pour Lady Di par exemple. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est l'incroyable paradoxe qui fait de la mort notre seule certitude, mais aussi un immense mystère. La psychanalyse, vous connaissez ? L'hypnose, vous connaissez bien sûr. La relaxation, tout autant. La régression dans les vies intérieures. L'objectif est de retrouver le choc mortel traumatisant, plus concrètement, de découvrir les séquelles qu'a laissé dans la vie actuelle un événement ayant entraîné la mort dans une vie précédente. Florence David a consulté hier et le professeur Allégor lui a présenté l'un de ses cas. Un jour, j'hypnotise pour s'amuser, comme ça, bêtement, un seul coup, et puis elle se met à parler en autrichien. Et on s'aperçoit que c'était Sissi, l'impératrice. On s'est aperçu que, depuis toute petite, elle mettait des grands gants blancs comme ça, et sa mère lui disait toujours « tu te prends pour une reine ». Voyez. Et elle était mariée, cette femme, et la nuit, elle parlait. Et son mari la réveillait comme ça en pleine nuit en disant « mais tu as un amant, tu parles de ton amant ». Elle disait « Franzi, Franzi », en pleine nuit, en dormant. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Voilà au moins comment s'arranger avec une double vie. Une double vie, c'est sans doute un bon moyen pour s'assurer une double ration de petites morts. Alors voilà, par le passé, la mort était naturelle, sans exagération dramatique, et l'on mourait le plus souvent entouré des siens. Tandis qu'aujourd'hui, nous avons affaire à une mort beaucoup plus cachée, voire plus solitaire et presque honteuse. Enfin, honteuse, faut voir. Dans les cimetières, il y a beaucoup de place pour les petites concessions avec le passé. 223 épouses parfaites, 316 maris dévoués. Et quant aux bonnes mères, aux excellents pères, on ne peut même pas les compter. 140 députés honnêtes, 213 excellents voisins. Dans les cimetières, il n'y a qu'à lire les pierres, ce sont tous de petits saints. Mais où est-ce qu'on les enterre, ceux qui sont méchants, qui faisaient pleurer leur mère, battaient leurs enfants, les antipathiques, tous les renfrognés, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté. Mais où est-ce qu'on les enterre, les vilains râleurs, les huissiers et les belles-mères et les percepteurs, les grippes sous nos toits et les créanciers, que personne n'a jamais, jamais, jamais regretté. Et effectivement, c'est incroyable, la concentration de gens bien que l'on rencontre dans les cimetières. Alors, comment expliquer cela ? Eh bien, sans doute parce que, même si elle a été une teigne toute sa vie, à l'heure du trépas, ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, et il y a même Giorgio, le fils maudit, dis donc. À la mort de leur mère, tous les fils sont venus pour parler au notaire afin d'avoir des écus. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Les bons de la victoire disparurent en premier et les fonds de tiroir étalés sur le plancher. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Moi, je prends la maison, je suis l'aîné des garçons. Non, toi, ce sera le piano, emporte-le dans sur ton dos. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. La terre, voyons notre terre, on se la dit, disant lopin. Non, c'est pas nécessaire, elle l'a donnée aux voisins. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Dites-nous dans les bâtiments, qui c'est qui va mériter? C'est écrit dans le testament que ça va aux œufs de charité. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Le fils qui est médecin hérite du râteau à foin, celui qui est aviateur d'une paire de bœufs sans valeur. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. Béatrice voulait le veau, c'est Siméon qui l'a eu, donc elle a ouvert le clos, v'là l'orphelin dans la rue. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, gerbe de fleurs, miséréré. L'engagé de la maison reste collé avec l'horloge, dans le tic-tac de l'horloge était roulé 1 million. Chapeau noir, les yeux dans l'eau, les mouchoirs, les gros sanglots, rage au cœur, couteau tiré, c'est la vieille qui a gagné. L'héritage, c'est celui qu'a reçu Félix Leclerc en 1959, l'année même où Édouard ouvrait son premier magasin en région parisienne et chez les Leclerc, on s'y connaît en obsèques et en héritage. Bien, l'horloge du Mangin Palace égrène le temps qui passe et nous indique qu'il est à présent 11h21. Ainsi, après avoir revisité l'histoire de la mise en bière, il est temps désormais de nous intéresser de plus près à ce moment fatidique où la faucheuse vient te rendre visite. Oui, mon ami, qui que tu sois, quoi que tu fasses, l'issue est la même pour tous. Voici la mort, que le monde s'incline. Face à la mort, quelle posture adopter ? Que penser par exemple lorsque tu imagines que dans un siècle à peu près, toutes les femmes et tous les hommes qui vivent aujourd'hui seront morts et enterrés ? Effrayante perspective, n'est-ce pas ? D'ailleurs, dans l'histoire de l'humanité, il y a plus de morts que de vivants, bien sûr. Cela dit, sais-tu que la source de nos angoisses, ce n'est pas la mort au final, mais plutôt la crainte de mourir. Et pourtant, comme l'écrivait Montaigne, la mort ne te concerne jamais réellement, ni vif, ni mort. Vif parce que tu es, mort parce que tu n'es plus. C'est ainsi, mais pour échapper un tant soit peu à la trouille d'être fauché, il n'y a qu'une seule solution, tenter d'amadouer sa peur, prendre congé de la crainte, vivre au maximum et se moquer de la mort. D'autant que personne ne sait réellement à quoi ressemble la fin du voyage. Attends, va savoir, mourir peut être surprenant. « Tu viens, chérie ?» me dit la mort. C'était une voix presque inhumaine à force de beauté, une voix aspirante, la même sans doute qui faillit perdre Ulysse. Je freinais pile des deux pieds et je me tournais vers elle. Ah là là là là là là. Je me doutais bien que la mort était femelle, mais pas à ce point. Elle avait mis ses cuissardes noires des gouttiers de l'enfer et son corset des sombres dimanches, d'où jaillissaient ses seins livides et ronds comme l'éternité. Son visage d'albâtre, maquillé d'écarlate, irradiait de cet état de grâce enfantine, nourri d'obscénité tranquille et d'impudeur insolente qui vient aux adolescentes à leur trouble des premiers frissons du ventre. Fidèles auditrices, rassurez-vous immédiatement. Il paraît que la mort n'est pas chienne et qu'elle n'hésite pas à endosser les attributs d'un jeune mâle en rut lorsqu'elle vient cueillir ton âme. Ensuite, une fois passé de l'autre côté, sais-tu combien ton corps fera l'objet de toutes les attentions ? Oui, afin de te représenter avec dignité aux personnes qui viendront s'incliner devant ta dépouille, les pompes funèbres vont se défoncer pour prendre grand soin de ton enveloppe charnelle. Pour un corps déjà ferme, mais encore souple. Pour une peau qui meurt d'envie d'être touchée. Pour la carnation veloutée du vrai tissu vivant. Les meilleurs embaumeurs font confiance au fluide de thanatopraxie. Éclat vital, plus vivant que vivant. Eh oui, le visage émacié, le corps ferme, la peau fraîche et diaphane, la mort t'offre bien plus que 10 années de régime minceur. Tu claques et tu deviens en réalité une beauté cadavérique que les êtres chers ne manqueront pas de jalouser lors de ta veillée funèbre, impatients de connaître ton sort. Imaginez l'allégresse qui fleurira en ce jour. L'humanité en liesse s'éveillera pour toujours. Lors les élus de la terre entreront dans le pays que Dieu promit à leur père pour renaître à la vraie vie. Que Dieu promit à leur père pour renaître à la vraie vie. Et puis, dans la foulée de cette soirée mémorable, le temps sera venu de la mise en bière. La visseuse dévisseuse électrique du croque-mort fera son travail et sur toi se refermera le cercueil pour l'éternité. Un repos bien mérité. C'est alors que tu prendras la direction du cimetière. Cela dit, certains choisiront une bénédiction religieuse et profiteront dès lors d'une oraison funèbre préparée là aussi, avec beaucoup de minutie. Mes frères, 1, 2, 3, mon fils, pleure amèrement, frappe-toi la poitrine, observe le deuil comme le mort le mérite, puis console-toi de ton chagrin. 1, on m'entend bien au fond ? Et si je parle plus doucement, n'abandonne pas ton chagrin. Ah, un. Un, deux, un, deux. Et puis, le soir venu, le jour de tes obsèques, tes proches se réuniront une dernière fois autour d'un verre pour honorer ta mémoire, bien sûr. N'est-ce pas formidable? Te voilà 6 pieds sous terre et tu continues à vivre dans le cœur de tes enfants. Oh oui, je t'aime comme un fou, depuis que t'es 6 pieds en dessous. J'oublie que t'étais si moche, maintenant que j'habite l'avenue Foch. Et surtout que grâce à toi, chaque jour c'est champé foie gras. Oh oui, je t'aime comme un fou, depuis que t'es 6 pieds en dessous. En effet, parfois mourir, c'est offrir certaines richesses à ceux qui restent. Te voilà donc mort, mais généreux. Cela dit, les vivants devraient être plus attentifs, car, comme le disait Pasolini, ce n'est pas que les morts n'ont rien à dire, c'est que nous avons perdu l'habitude de les écouter. Et pourtant... Voilà une confession posthume qui a l'effet d'une bombe. Elle éclate, noir sur blanc, dans les colonnes du journal Le Monde. Il s'agit donc de la retranscription des extraits d'une déclaration enregistrée en 1996 par Jean-Claude Méry, aujourd'hui décédé. L'enregistrement donc en 96, Jean-Claude Méry était un personnage clé du dossier de financement occulte présumé du RPR à Paris. On le surnommait d'ailleurs Méry de Paris. Ah ben oui, parfois t'es mort, mais tu peux toujours foutre les boules à certains. Incroyable, non? Alors, maintenant que nous avons constaté combien mourir soi-même n'est pas si terrible, il faut bien reconnaître en revanche que l'horreur de la mort touche avant tout les proches du défunt. Et oui, en général, ce sont ceux qui restent qui pleurent. Eh bien, nous allons constater que face à l'intensité de cette douleur, certains possèdent les ressources nécessaires afin de contourner cette triste évidence. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Docteur, la chambre 432, s'il vous plaît. Oui, une petite seconde, s'il Merci. Vous plaît. Nadège, ouais. Non, on peut peut-être essayer de récupérer le foie de Madame Piche. Piche, Nicole Piche. Hein? Tu regardes? Piche? Ouais, elle est arrivée hier soir, ça va être au frigo maintenant. Piche! Nicole Piche, bonjour docteur. Alors là, ça s'appelle la boulette. Là. Vous êtes parent avec la défunte, j'imagine? Non, non, non, pas du tout. Moi, je suis le mari de Madame Piche. Ça va? Elle va bien? Vous, ça pas embêté? Non, oh non, oh non, oh. Ah, tant mieux, oh parce non, non, elle a son caractère. Hein. Oui, mais enfin, là, ça a changé, là, c'est... D'accord. Vous savez, c'est ce que je dis toujours dans ces circonstances un petit peu douloureuses, mais... Oui, oui, oui, bien sûr. Hein, mais oui, pour oui, nous, oui. Malheureusement quotidiennes... Oui, oui, oui, tout à fait, oui. Vous savez, quand... Quand à l'automne d'une vie qui s'éternise un petit peu dans le grand tourbillon du temps, il faut forcément y implanter une limite. Et votre femme est arrivée à cette limite. Votre femme est arrivée à cette limite. D'accord, bien, d'accord. Pour vous, maintenant, bien sûr, c'est, il vous faut du courage. Oui, bien sûr, tout à fait. Tiens, Vous savez que c'est très bien de le prendre oui, comme ça. Oui, oui, parce que vous savez que c'est très rare. Oui, exact, hein? Exact, tout Bravo. À fait. Oh, oui. Maintenant, il vous faut du courage. Oui, oui, oui, bien hein? sûr. Tiens, ça va bien, vous, ça pas embêté? Attention, là, de qui parlons-nous, là? Parce que là, nous parlons de Madame Piche, Piche, Piche, Piche, Nicole Piche. C'est pour ça que je vais monter lui faire une bise. Non, non, non, non, non, non. On n'a pas retrouvé la tête. Hein. C'est toujours comme ça dans les... Dans les accidents de voiture, vous savez, votre femme a eu un accident très grave. Oui, oui, oui, tout à fait, oui, je sais, j'y étais, je suis reparti à la nage, c'est pour ça. Non, je parle de Madame Piche. Oui, tout à fait, Nicole Piche, oui. Oui, elle a eu un accident de voiture extrêmement grave. Oui, oui, oui, hein? oui, oui Sa voiture aurait quitté la route, le TGV serait passé dessus, enfin, j'ai oui, pas trop... Oui, oui, oui. J'ai pas eu tous les détails, bien sûr, oui. Mais ce que je sais, c'est qu'elle nous est arrivée ce matin en 3-4 fois. Vous savez, moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. J'ai passé 8 heures dessus. Ouais, ouais. Ben moi, j'ai passé 15 ans. Hein. Lake of Udaipur, ville paisible du Rajasthan, que nous fait visiter l'artiste électronique Le Tone sur un album à venir et intitulé En Inde, contrée où la mort n'est pas un tabou dans le quotidien des hindous, puisque sans destruction, il ne saurait y avoir de création. Alors maintenant, pour continuer notre joyeuse balade en compagnie de la faucheuse, et à quelques jours du 1975e anniversaire de son trépas, nous allons maintenant revenir sur ce que peut bien représenter la mort quand tu t'appelles Jésus et que tu es le Fils de Dieu. Bon, déjà, il faut savoir que tout petit, Jésus, il supportait assez mal sa vie au paradis. Je vois des gens qui sont morts. Tu vois des morts dans des tombes, des cercueils. Non, ils vont et ils viennent comme n'importe qui. Ils ne se voient pas entre eux. Ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et tu en vois souvent? Tout le temps. Il y en a partout. Mais Dieu le Père a expliqué à son fils Jésus que c'est normal de voir des morts partout parce que justement, le paradis, ça sert à ça. Et puis Dieu le Père s'est alors lancé dans une savante explication sur ce qu'est la mort et sur ce qu'est la vie. La vie, c'est comme une dent. D'abord, on n'y a pas pensé. On s'est contenté de mâcher. Et puis ça se gâte soudain. Ça vous fait mal et on y tient et on la soigne et les soucis. Et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut vous l'arracher, la vie. Belle métaphore de Dieu pour expliquer à Jésus ce qu'est la vie. Les papillons et les fleurs, il les réserve pour plus tard. Pourtant, en apprenant la sombre vérité sur la vie et sur la mort, le petit Jésus a décidé de fuguer avec l'aide du chenapan Gabriel afin d'aller vivre sur Terre. Bon, on va t'épargner toute l'histoire de sa vie, son trekking de 40 jours dans le désert, sa passion pour le barefoot et ses virées avec ses 12 potes. Oui, Jesus, tout feu, tout flamme, vécu tel Marlon Brando dans L'Équipée sauvage avec un âne à la place de la moto. Parce que Jesus, il ne craignait pas la mort puisqu'il savait pertinemment qu'il serait pistonné pour aller au paradis. Sauf que voilà, le jour où il a rencontré Marie-Madeleine, Jésus a compris que la mort pouvait tout de même être une rupture. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Aimons-nous vivants, Eh oui, il avait tout compris, Jésus. C'est dans l'instant qu'il faut vivre, bon sang. Pourtant, à cause d'une sombre embrouille, un de ses potes l'a balancé au bourgeois. Ensuite, tout a été très vite. Jésus s'est retrouvé chez les Condé, puis fut condamné et crucifié, donc Jésus est mort, puis monté aux cieux. Sauf que voilà, il y eut une grosse galère là-haut le jour de son arrivée, car il était impossible d'ouvrir les portes du paradis pour l'accueillir. Et Dieu le Père piqua alors une grosse colère. Donnez-moi la clé, donnez-moi la clé, Saint-Pierre, donnez-moi la clé, Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Ta clé, je l'ai cherchée partout, partout, Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Même sous mon paillasson quand j'étais sous, Saint-Pierre, donnez-moi la clé. Mais non, Saint-Pierre ne pouvait pas donner la clé du paradis puisque lui-même ignorait où elle se trouvait. Ce fut un sacré problème, car sans cette clé, Jésus ne pouvait entrer au paradis. Et Dieu redouta surtout que son fils aille alors en enfer, un véritable lieu de débauche, où il trouverait sans doute du plaisir. Mais là, Saint-Pierre rassura Dieu le Père. L'enfer n'a plus assez de place. Qu'est-ce que tu dis ? Ah, c'est mon grand-père qui nous racontait ça. Il nous disait toujours, quand l'enfer n'a plus assez de place, les morts reviennent sur la terre. Et effectivement, l'enfer étant plein, au bout du troisième jour, c'est Satan lui-même, ne supportant plus le tapage de ce jeune hippie, qui a renvoyé Jésus sur terre. C'est QFD, c'est donc la résurrection, et dans une semaine, les chrétiens fêteront Pâques. Sauf que voilà, un mystère n'a pas été résolu. Qui avait bien pu piquer les clés du paradis, et dans quel but surtout ? Eh bien, ce fut tout simplement Marie, une vraie mère juive, qui ne voulait pas voir partir son fils. J'ai les clés du paradis. Jamais rien gagné. J'ai les clés du paradis. Elles sont juste un petit peu rouillées. Je les ai trouvées dans la rue. Je sais, ça semble incongru. Elles traînaient là. Je les ai empochées. On peut rien me reprocher. Alors, la suite est simple. Dieu a confisqué les clés du paradis que Marie lui avait piquées et pour la punir, il lui a collé la doctrine de la virginité perpétuelle dans sa face. Alors, que s'est-il passé depuis ? Eh bien, Jésus, au paradis, a été muté au secteur des gentils animateurs. Vous voulez que je vous montre quelque chose ? Est-ce que nous avons le temps pour un tour de cartes ? Oui ! Je pense que nous avons toute l'éternité. Bon, eh bien, je vais vous montrer un de mes petits tours. Oui. Et je tiens à vous dire du fin fond de mon cœur, je vous le dis avec sincérité, je vous le dis avec tout mon respect, vous êtes un merveilleux groupe, un fantastique groupe, vraiment, je vous aime tous, et je sens que vous me le rendez bien. Vous savez, vous avez beau être défunt, vous ne devriez surtout pas vous décourager, parce que, surtout, ne considérez pas le fait d'être mort comme un handicap. Vous savez, quand j'étais enfant, je bégayais. Mais à force de cramponisation et de persévération, vous voyez, on ne peut jamais prévoir ce qui va arriver. Bon, je veux que vous preniez une carte. Allez-y, prenez la carte que vous voulez. Choisissez-en une. Allez-y, ma chérie. Allez, je vous aime, ma poule. C'est fantastique. C'est ainsi qu'au paradis, Jésus est donc chargé de l'animation pour occuper les morts. Et ce n'est pas une mince affaire. Bon, tu me diras, c'est tout de même mieux que le job de Dieu le Père qui, lui, est sans cesse confronté à des râleurs. Pourquoi Dieu ? Pourquoi toi ? Tu laisses faire, toi qui es tout puissant, hein ? Certes, je suis omniscient, je suis tout et je suis partout, mais il faut savoir à un moment s'adapter. Les hommes ont tout aujourd'hui pour s'en sortir sans moi. Ce qu'il faut, c'est la volonté. Je n'ai pas créé les hommes pour en faire des assistés. Je n'ai pas vocation à aider éternellement ceux qui ne veulent pas s'en sortir par eux-mêmes. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette tête de camp ? Je dis simplement que Dieu peut peut-être tout, mais qu'il faut le mériter. Voilà la vérité. Mérite, travail, est-ce que ces mots sont des insultes ? Et qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Donner éternellement le RMI à l'un, des allocations à l'autre ? Il faut être réaliste et pragmatique. Il faut s'adapter. Et puis je vais vous dire une chose. La religion, aimez-la ou quittez-la. Vous savez, j'ai changé. Les épreuves m'ont changé. Et aujourd'hui, je dis, vous, plus moi, ensemble, eh bien tout devient possible. Tout devient possible. Ça fait un peu flipper un discours de ce genre. C'est bien un truc de grenouille de bénitier, ça. Alors voilà, la mort c'est compliqué et surtout, quand tu croises en la vie éternelle, c'est long. L'enfer ou le paradis, ou rien du tout, peu importe, il faut varier les plaisirs. Et même Satan, dans son coin, il le dit bien. J'ai creusé un trou. De sang, de boue et de sueur. Et quand je mourrai, j'irai au paradis. Parce que c'est dans l'enfer que j'ai passé ma vie. Quand je mourrai, j'irai au paradis. J'ai passé ma vie. Quand je mourrai, j'irai au paradis. J'ai gâché ma vie. Combien de ruptures, combien de blessures. Un sourire, hélas, s'enfuit, s'efface. Reviens et s'enfuit encore. Je serai loin d'ici. Je serai déjà mort. Quand je mourrai, j'irai au paradis. C'est en enfer. J'ai passé ma vie. Quand je mourrai, j'irai au paradis. J'irai au paradis, c'est la menace que lance Daniel Darc sur son dernier album intitulé Amour suprême. Mais bon, il doit se méfier, Daniel, parce qu'au paradis, lui, il risque bien de s'ennuyer un peu. Allons, tout ça, c'est de la bouffonnerie. Alors maintenant, afin de prolonger nos aventures post-mortem, il est grand temps à 11h43 de retrouver nos deux héros immortels, le zombie Jean-Claude et la macabée Monique, qui ont dû, malgré leur statut, affronter la mort cette semaine après la disparition d'un proche. Oui, mercredi dernier, Jean-Claude avait posé une RTT afin de filer un coup de main à Monique, puisque le soir même, il recevait à dîner pour la première fois son chef de service. Et alors qu'il venait de sortir pour aller acheter du pain aux olives, c'est vers 13h32 que Jean-Claude annonça à Monique la terrible nouvelle. Le petit chat est mort, il est tombé du toit, c'est comme ça. Il a glissé sur je sais pas quoi et patatras. On l'enterrera demain, je te jure, dans un joli carton à chaussures. Ce fut le drame pour toute la famille. Jojo, le petit chat, après être tombé du toit, venait de se faire écraser la tronche par le livreur de lait de Grosboule-les-Bains. Franchement, il ne restait pas grand-chose du gros matou. Du coup, Monique refusa qu'on attende le lendemain pour l'enterrer et on organisa Fissa les funérailles du chat dans le jardin. Elsa, la fille de Jean-Claude et Monique, fut chargée de l'oraison funèbre. Je refuse encore d'y croire. J'ai écrit un poème pour toi qui s'intitule « Chat mateux ». Quatre pattes plus une queue plus neuf vies égale un chat exceptionnel. Un chat exceptionnel moins neuf vies égale une petite fille très triste. C'est ce que t'éprouves aucun gamin a envie de survivre à son animal. Oh chérie, quand j'avais ton âge, j'ai perdu mon cochon d'Inde, Dagobert. Je m'étais dit que ma douleur ne s'effacerait jamais. Oh, oh cher Dagobert, c'est moi qui aurais dû mâcher cette fichue rallonge électrique. Allons, allons, vous avez raison toutes les deux. Oui, toute la famille fit bloc pour surmonter cette redoutable épreuve que la faucheuse venait de leur imposer. Jean-Claude proposa alors d'annuler ce dîner avec son chef de service, mais Monique lui fit remarquer que tout était prêt et qu'il fallait affronter la cruauté de la vie avec courage. C'est ainsi qu'à 19h45, comme prévu, le patron du Jean-Claude et sa femme se sont pointés. « À la fin du dîner, les convives de Monique et Jean-Claude s'aperçoivent bien entendu que leurs hôtes n'ont pas l'air dans leur assiette. Jean-Claude est livide et Monique est absente. Tous deux, par courtoisie, finissent par avouer qu'ils viennent d'enterrer leur chat cet après-midi. C'est alors que Charles, le patron du Jean-Claude, leur confesse à la surprise générale qu'il a déjà été chat par le passé. En effet, Charles croit en la réincarnation. Monique lui demande alors quelles ont été ses vies antérieures. Très souvent prêtre, très peu souvent pute. Je suis fils d'émigrés politiques espagnols, arrivé en France février 1939. Donc, élevé dans une famille athée, marxiste, problème physiologique enfant, je ne dormais pas. Un jour, à l'âge de 7 ans, je décide d'arrêter le temps. Je trouve une technique pour arrêter le temps. Vraiment, le temps se fige pendant une nuit. Et je suis projeté en dehors de mon corps. Et je fais mes premiers voyages astraux. Dans ces voyages astraux, voulant encore jouer avec le temps, je suis projeté dans une dimension où toute mes vies défilent. Et stupeur, l'âge de 7 ans, j'apprends que l'âme est éternelle et que l'âme voyage dans le temps. Et j'apprends ce que c'était que la réincarnation des âmes, alors que je n'étais pas préparé du tout. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce con, se dit Jean-Claude. Un mytho pareil, c'est énorme. Pour lui, tout ça, ce ne sont que des foutaises. Quand soudain, Charles demande à Jean-Claude ce qu'il pense de la vie après la mort, justement. Jean-Claude soupire et répond qu'il n'a aucune certitude sur le sujet. On a combien de vies ? On meurt combien de fois ? On dit que nous perdons tous 21 grammes à l'instant précis de notre mort. Chacun de nous. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 21 grammes ? Qu'est-ce qu'on perd ? 21 grammes. Le poids de 5 pièces de monnaie. Le poids d'un colibri. D'une barre de chocolat. Combien pèse 21 grammes ? Charles et son épouse demeurent sans voix face à l'exposé existentiel du Jean-Claude. Monique, elle, lui prend la main car elle sait combien il est affecté par la mort de Jojo le chat. D'ailleurs, Jean-Claude ne peut s'empêcher en cette fin de soirée d'avoir une pensée émue pour le matou enterré. 6 pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort. Jojo, 6 pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. 6 pieds sous terre, Jojo, je t'aime encore. Touché en plein cœur par le deuil du Jean-Claude, c'est alors que Charles lui propose une expérience inédite afin de soulager sa peine. Avez-vous entendu parler de la TCI ? Non. Ça ne m'étonne pas. Beaucoup nous prennent pour des dingues. TCI signifie transcommunication instrumentale. Je vous écoute. Voilà. Je ne suis pas extralucide. Je ne suis pas médium. Je ne contacte pas les morts. Ce sont eux qui s'adressent à moi. Et grâce à la TCI, je peux les entendre. Je peux les voir. Et je peux les enregistrer. Et ces voix sont celles de... En effet, oui. De personnes qui ne sont plus de ce monde. Bon, alors là, c'est le pompon. Le patron du Jean-Claude, profitant de sa faiblesse psychologique, tel un scientologue, se fout ouvertement de sa pomme. Fou furieux, Jean-Claude recommande immédiatement à cet escroc de changer de boulot. Il fera fortune, sans aucun doute. Fais-toi donc croque-mort, mon gars, c'est un sacré commerce. Fais-toi donc croque-mort, y a moyen que tu perces. Fais-toi donc croque-mort, au moins ça te rapporte. Ton ami la mort n'y va pas de main morte. Allons mon gars, fais-toi le croque-mort, n'hésite pas, t'aurais bien tort, t'as la mine pour ça. Fais-toi donc croque-mort. Vexé comme un pou, Charles quitte la table et exige que son épouse Chantal en fasse autant. Les convives de Monique et Jean-Claude claquent la porte, tandis que Jean-Claude, lui, se resserre un troisième cognac afin de soulager son deuil. C'est alors que Rémi, le fils de la famille, vient de se relever après ce tintamarre dans le living room. Cela dit, le môme ne parvenait pas à trouver le sommeil. La mort du chat le hante. Mais Rémi n'a pas perdu espoir. Après tout, NTM était mort et ils viennent de ressusciter cette semaine. Alors, tout est possible. Et puis, Rémi a déjà trouvé une solution pour combler ce manque affectif suite à la disparition du chat. Un jour où ça n'ira pas, j'irai m'acheter un chat, il sera blanc, je l'appellerai ma chérie, les enfants. Comme ça, comme tout le monde, le soir en rentrant chez moi, je pourrais dire, ma chérie, les enfants, je suis là. Je me sens seul, ils ont coupé mon cordon, depuis je n'ai plus été rattaché à personne. Je me sens seul, chez moi tout est silencieux, des ressorts de mon lit jusqu'à mon téléphone. Je me sens seul, je n'ai pas beaucoup de force, j'aimerais que quelqu'un m'aide à partager ma vie. Je me sens seul, je ne veux pas mourir maintenant, j'ai trop peur que ma tombe ne soit jamais fleurie. Oui, pour lutter contre cette solitude qui vient de s'abattre sur la famille après la mort du chat, Jean-Claude est d'accord avec son fils, rien de mieux que d'aller récupérer un autre matou boiteux à la SPA de Grosboule. Quoi qu'il en soit, le décès du chat suivi de ce dîner grotesque aura rappelé à Jean-Claude que certains guignols racontent vraiment n'importe quoi sur la vie après la mort et qu'il faut se méfier des charlatans. Fin de l'histoire, au coucher, Monique s'est inquiétée tout de même du retour de Jean-Claude au bureau le lendemain. Mais bon, Jean-Claude lui a répondu que de toute façon, si le paradis existe, jamais ils ne voudront de ce Charlie Charlot là-haut. Attends, si tu voyais comment il mate sa secrétaire, et ce qu'il lui fait faire. Elle est là derrière un pilier, je la regarde agenouillée. Au jour de Pâques et de Noël, à la messe, je ne vois qu'elle. Elle est belle comme la statue de la Vierge à l'enfant Jésus. Comment voulez-vous, je vous prie, que dans ces conditions, je prie. Je scandalise quand je suis à l'église. Je pense à Marie aux yeux de Marie. Je pense à Marie aux mains de Marie. Aux corps de Marie. Au cœur de Marie. Je pense à Marie. J'arrive une heure avant la messe pour la joie de l'avoir passée. Pendant qu'elle est à confesse, je suis jaloux de son curé. Je me lève, je m'agenouille, je me sens comme crucifié. Par tous les regards qui me fouillent, des grenouilles de bénitier. Si je scandalise le dimanche à l'église, je pense à Marie, je pense à Marie, aux yeux de Marie, aux mains de Marie, au corps de Marie, au cœur de Marie, je pense à Marie. Tout à l'heure, quand elle va sortir, je vais la rater encore une fois. Tout à l'heure, ces ballons vont rire sur le zinc du café tabac. Rigolez les gars, rigolez, j'y mettrai le temps qu'il faudra. Mais un dimanche, vous la verrez sortir de l'église à mon bras. J'aurai un chapeau et des gants. Et même si ça scandalise, un bonjour à l'église, je serai là. Charlie qui rapace au paradis, c'est le constat que fit Gilbert Bécaud en 1970, l'année même où Charlie de Gaulle s'est éteint à Colombelles et Deux Églises. Une prédiction funeste et surprenante du gaulliste Gilbert, l'inoubliable interprète de « Tu le regretteras », une chanson à la gloire du grand Charles. Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Dieu n'existe pas. Non, je déconne. Encore que chacun croit ce qu'il veut. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre voyage au-delà de la vie. De la balade des pendus à la danse macabre, du corbillard au caveau et des clés du paradis à la cassette mairie, nous t'avons offert ce matin un panorama totalement subjectif et complètement incomplet de ce que peut être la vie après la mort. Alors pour finir, il y a de grandes chances donc que nous mourions tous un jour. Et afin de faire une sortie un peu plus digne que « je meurs », la panique te conseille dès maintenant de réfléchir à tes dernières paroles. Tout le monde n'aura pas la présence d'esprit de Rabelais qui déclara « Tirez le rideau, la farce est terminée », ni même un truc du genre « Je vous demande de vous arrêter » ou encore le célèbre « Je me retire définitivement de la vie politique ». Cela dit, parfois, les dernières paroles sont improvisées et c'est très bien. Du genre, le truc quand un sanglier est en train de charger, c'est de rester immobile. Ou encore « Hey, regarde, sans les mains !» ou le fameux « J'ai plié mon parachute moi-même ». Mais bon, quoi qu'il en soit, dans tous les cas... Même à celle qui trahit, même à celui qui ment, il ne faut pas souhaiter la mort des gens. Il y a bien des fois où, mais même pour ces fois où, il ne faut pas souhaiter la mort des gens, ça les fait vivre plus longtemps. Celui que l'on aime bien, il s'accroche, il s'accroche. On rêve de le faire boire, dans la joie, l'épuiser. C'était Dominique A, un bout en train, un bon vivant. Voilà, fin du 112e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était quoi, revu et corrigé par la bande de furieux du Mange à Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode Archiloufoque et Total Foutrac. Panique au Mange à Palace est une émission coécrite, les doigts dans la prise, avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi Monsieur Xavier, aux platines, au montage et à la réalisation. Il y avait bien sûr H2M, Henri, Marc Mutel. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Bertrand Durand et de Vincent Godard. Merci beaucoup à vous deux, c'était parfait. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci Flora. Merci aussi à Sarah Fleury ainsi qu'à Claire-Sophie Collet, nos deux stagiaires. Pour les Scud et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, présent en plateau ce matin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayard pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Jennifer Guillot, documentaliste de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, le site de Panique au Mange un Palace sur franceinter.com. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve dès dimanche prochain à 11h et en direct sur France Inter pour un nouvel épisode. Mais en attendant, d'ici là, surtout aujourd'hui, hein, surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct.